Alors que le Royaume-Uni vient de se reconfiner totalement et strictement suite à l'explosion du nombre de contaminations, les pouvoirs publics et les autorités sanitaires pointent le nouveau variant identifié en décembre qui aurait une infectiosité accrue et qui serait à l'origine de cette nouvelle flambée épidémique. Idem en Afrique du Sud où un autre cocktail de mutations inquiète les dirigeants du pays et semble accroître là encore la contagiosité. Le tout pendant qu'une mission de l'OMS se rend en Chine à la recherche des origines du virus sur lesquelles planent encore un doute. Origine, mutation, variant, Isola, on vous dit tout sur les métamorphoses du SARS-CoV-2. Covid, les nouveaux mutants, c'est le programme évolutif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre sur ces mutations, les risques qu'elles peuvent faire encourir, tant en termes de sensibilité à la maladie que vis-à-vis de la vaccination, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Étienne Simon-Laurière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue responsable de l'unité génomique évolutive des virus ARN à l'Institut Pasteur. Et Alexandre Assanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, membre de l'Institut Systématique Évolution Biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle. Lui suit les mutations et les évolutions de l'actualité scientifique jour après jour. C'est Antoine Beauchamp qu'on retrouve tout de suite pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et pour commencer, une étude parue dans la revue Emerging Infectious Diseases, le SARS-CoV-2 continuerait de se répliquer jusqu'à 35 heures après le décès. Oui, c'est ce que révèlent des travaux menés par des médecins légistes allemands qui cherchaient à évaluer la stabilité et le pouvoir infectieux du coronavirus post-mortem. Alors pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont réalisé des prélèvements nasopharyngés chez 11 personnes, en moyenne 6 jours avant le décès, puis après le décès dans des durées variant entre 12 et 168 heures. Ils ont ainsi pu détecter la présence de l'ARN du SARS-CoV-2 à niveau constant, sans que cette durée ne semble avoir d'influence sur le niveau de la charge virale. Mais il y a plus. Cette analyse par les médecins légistes a aussi montré que dans certains cas, la charge virale augmentait de 0,6% par heure. Alors devant cette observation surprenante, les médecins légistes ont décidé d'étudier de façon plus précise 6 patients et ils ont pu constater que dans la gorge de ces patients décédés de la Covid-19, le virus se répliquait jusqu'à 35 heures après la mort. Les chercheurs allemands responsables de cette étude récente rappellent que leur travail porte sur un petit nombre de cas et que d'autres études doivent être menées pour évaluer la persistance virale dans un temps plus long après le décès. Mais ce travail de recherche apporte un nouvel éclairage sur les risques infectieux en médecine légale concernant le SARS-CoV-2 et souligne l'importance d'une manipulation prudente des cadavres afin d'éviter tout risque de contamination par le personnel médical. Et vous pouvez retrouver, comme tous les jours, les liens vers les études dont il est question dans ce journal des sciences ainsi que dans le reste de l'émission sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur le site internet de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Le vaccin contre le SARS-CoV-2 de Moderna vient d'être approuvé par l'Agence européenne du médicament. Oui, le vaccin rejoint celui développé par BioNTech Pfizer, qui était jusqu'alors le seul autorisé dans l'Union européenne. Ce vaccin à ARN messager a un avantage sur celui déjà distribué en Europe. Il peut se conserver à moins 20 degrés contre moins 70 degrés pour celui de BioNTech Pfizer. Quant au taux d'efficacité du vaccin de Moderna, il est similaire à celui de son prédécesseur. Des chercheurs du Max Planck Institute viennent de révéler l'existence d'un super amas de galaxies jusqu'à présent inconnues. Et ce super amas d'environ 580 000 milliards de fois la masse du Soleil contient pas moins de 8 amas de galaxies qui ont été découverts à 4 milliards d'années-lumière de la Terre grâce aux données du télescope spatial iRosita, un instrument à rayons X. Cette découverte apporte une contribution précieuse à notre compréhension de la formation et de l'évolution des longs filaments cosmiques. La prépublication parue sur la plateforme Archive en décembre sera publiée très prochainement dans la revue Astronomy and Astrophysics. En bref, toujours, l'ADN poubelle jouerait un rôle important dans la régulation de notre rythme circadien. Oui, ce qu'on appelle assez improprement l'ADN poubelle, c'est en réalité l'ADN non codant, c'est-à-dire l'ensemble des séquences du génome qui ne sont pas traduites en protéines. Quant au rythme circadien, c'est, pour le dire vite, le rythme qui regroupe tous les cycles biologiques entre état de veille et de sommeil sur une durée d'environ 24 heures. Alors de précédentes études avaient montré qu'une partie de cet ADN non codant, les micro-ARN, pourrait avoir un rôle dans les fonctions du cycle circadien. L'étude qui nous intéresse et qui vient de paraître dans la revue PNAS a pu identifier le rôle de 110 à 120 micro-ARN sur la modulation du rythme circadien. Pour y parvenir, les scientifiques ont inactivé puis réactivé ces micro-ARN dans des cellules in vitro, mais aussi chez des souris. Résultat, l'inactivation de certains micro-ARN altère les tissus des cellules circadiennes, mais aussi le rythme circadien des souris. Cette étude apporte donc un nouvel élément de compréhension et de prévention de certaines pathologies liées à l'altération du rythme circadien, comme notamment la maladie d'Alzheimer. Et pour conclure, Néandertal aurait eu un pouce différent d'une autre. Oui, c'est ce que rapporte une étude franco-anglaise parue dans la revue Scientific Reports. Les os du pouce de Néandertal montrent des différences de forme et d'orientation par rapport à ceux d'un pouce d'Homo sapiens. Cette posture du pouce, notamment à la base, suggère l'utilisation régulière d'outils munis de manches. Les auteurs de cette recherche concluent que si les Néandertaliens étaient mieux adaptés à ce type de saisie, ils étaient quand même capables d'effectuer des saisies de précision, même si ce genre de geste était peut-être moins facile pour eux que pour les humains modernes. Merci Antoine, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Selon le Premier ministre britannique, le nouveau variant du SARS-CoV-2 qui touche le Royaume-Uni serait plus contagieux de 70% par rapport à la version standard du virus. Alors même si ce surcroît d'infectiosité n'est pas encore complètement attesté et reste discuté par la communauté scientifique, il est indiscutable que ce nouveau variant, appelé VUI 2022-01 pour Variant Under Investigation 2020, -12 pour décembre variant 1, eh bien ce variant est devenu majoritaire sur une large partie du territoire. Il ne concernait que 28% par exemple des infections en novembre à Londres, taux qui a grimpé à plus de 60% dès début décembre et qui a continué à grimper après. De l'autre côté du globe, l'Afrique du Sud s'inquiète elle aussi pour un autre variant, un cocktail de mutations distinct qui lui aussi serait responsable d'une plus grande transmissibilité avec les mêmes réserves que pour le variant de Grande-Bretagne. Bref, le petit espoir de sortie de pandémie éveillé par la vaccination vient d'être sévèrement douché par ces multiples variations du virus, comme en témoigne ce montage de différents journaux d'actualité réalisé par Olivier Bétard. C'est officiel, le variant V501V2 est arrivé en France. Cette nouvelle forme du Covid-19 a été détectée chez un homme habitant dans le Haut-Rhin mardi. Il revenait d'Afrique du Sud quelques jours auparavant. C'est là-bas que semble s'être développé ce virus mutant. Cette version pourrait circuler plus vite. Un des changements porte sur la protéine S qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. D'après les premières études, ce variant serait plus contagieux. Oui, de nombreuses mutations du coronavirus ont déjà été observées chez des animaux et selon les résultats de ces études, ces changements n'affectent pas le fonctionnement de leur système immunitaire. Des éléments confirmés par la suite chez l'homme. Cette variante ne devrait pas remettre en cause l'efficacité du vaccin. Selon les scientifiques, il a même été conçu en tenant compte de ces différentes mutations. Nous n'avons pas identifié dans le monde de variants du virus sur lesquels les vaccins dont nous disposons aujourd'hui ne seraient pas actifs. Et c'est une bonne nouvelle, c'est tant mieux. Maintenant, si jamais il y avait une variation de l'ADN ou de l'ARN plutôt du virus et qu'il fallait pour cela faire ce que nous faisons tous les ans avec la grippe, c'est-à-dire faire évoluer le vaccin, ben dans ce cas-là, les scientifiques le feraient. Voilà, Olivier Véran, pour conclure, vous avez entendu une certaine fébrilité, pourrait-on dire, autour de ce nouveau variant britannique. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre et finalement à ce que l'on lit et ce que l'on peut entendre dans les médias autour de ce variant et qui est, somme toute, il faut bien l'avouer, relativement confus ces derniers jours et ces dernières semaines, Étienne Simon-Laurière. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées et on vit en fait la science en temps réel grâce aux efforts de nos collègues britanniques. On peut suivre cette émergence de ce variant et sa diffusion très rapide sur leur territoire et probablement aussi dans d'autres pays. Et il est évident que ça pose des inquiétudes et ça amène peut-être à rappeler qu'il y a aussi des gestes simples qui contribuent à enrayer la diffusion du virus et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a un variant hypothétiquement plus transmissible qui commence à circuler, de les respecter au maximum. Alexandra Sanin, votre réaction à ce que l'on peut lire ou entendre via ce petit montage autour de ce variant britannique ces derniers jours ? Moi, de ce que j'ai lu de ce variant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il implique beaucoup de changements protéiques, donc en acides aminés, beaucoup plus que de changements qu'on dit non synonymes, c'est-à-dire des changements qui n'entraînent pas de changements en acides aminés. Et par cet aspect, il est assez original, je trouve, et ce qui montre qu'il y a eu une adaptation pour arriver à ce variant. Donc, c'est un peu inquiétant, effectivement. Ça veut dire qu'il y a des accélérations des taux d'évolution localement, mais bon, c'était un peu aussi attendu, hein. Et c'était observé déjà par le passé, mais celui-ci montre des caractéristiques concernant les mutations, je trouve, assez atypiques. On va revenir tout à l'heure, dans quelques minutes, sur un certain nombre de termes que vous venez d'employer, c'est-à-dire ces mutations synonymes ou non synonymes, qu'on peut dire également silencieuses. On va comprendre aussi comment fonctionnent certaines de ces mutations qui constituent le variant, hein, puisqu'il faut bien comprendre qu'un variant, c'est un ensemble de mutations. Mais j'aimerais vous entendre d'abord sur cette question de la surinfectiosité. Le Premier ministre a dit qu'il se transmettait, le Premier ministre britannique, 70% plus facilement que la version dite standard, si tant est qu'on puisse parler d'une version standard par ailleurs. Mais quand on lit la littérature scientifique, ça n'est pas si clair que ça. Étienne Simon-Laurière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Que disent les études à propos d'un surcroît ou non d'infectiosité de ce variant britannique? Alors aujourd'hui, la démonstration que ce variant était effectivement plus transmissible n'est pas encore faite, mais il y a un faisceau d'évidence, principalement indirect, qui viennent soutenir ça assez fortement. En particulier, en suivant comment le virus, soit par des proxys, soit grâce aux travaux de l'Angleterre, en ayant les données de séquençage de ces cas, ils ont pu réaliser que ce variant a augmenté en fréquence de manière assez rapide et ils ont vu un taux de diffusion qui serait aussi plus élevé que les variants voisins ou les variants proches de ce variant qui circulait jusqu'ici. Mais cette augmentation de fréquence, Étienne Simon-Laurière, est-ce que c'est une causalité ou est-ce que c'est une corrélation? Parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y a un surcroît, une nouvelle flambée épidémique en Grande-Bretagne, comme il y a pu en avoir au mois de novembre en France, que évidemment les différentes vagues, les différentes poussées épidémiques ne sont pas synchronisées dans l'espace européen. Qu'est-ce qui pourrait permettre d'attester que c'est bien par une différence d'expression protéique ou en tout cas un certain nombre de mutations que cette flambée épidémique a lieu et non pas simplement bien par un relâchement des gestes barrières ou par d'autres paramètres comme, je ne sais pas, la météo ou quoi encore. Ou comme, oui, vous le disiez, des effets un petit peu du hasard, simplement que la chance ou la malchance fasse que des gens qui auraient été plus, un peu plus relâchés dans leurs gestes barrières auraient été infectés et auraient diffusé ce variant. Cependant, on est quand même dans une phase de transmission qui est assez active depuis quelques temps déjà. On n'est pas pendant l'été où il y a eu vraiment à la suite de tous les confinements, il y a eu vraiment une circulation qui était très basse du virus. Là, on est dans une situation en Grande-Bretagne où il y a une circulation très active du virus. Et malgré cette compétition, cette course de plein de variants qui sont en Grande-Bretagne et qui se diffusent chacun à leur rythme, celui-ci a l'air de faire la course un petit peu en tête, d'aller plus rapidement. Ce qui amène à penser qu'il y a effectivement des choses qui vont ensuite être vérifiées, hein, qui est expérimentalement, soit en recréant des morceaux du virus simplement pour tester leur capacité à rentrer dans les cellules, soit en utilisant le virus en entier, dans des modèles animaux notamment, pour vérifier cette transmissibilité. Mais on a suffisamment aujourd'hui de données pour que on soit confiant qu'il y a effectivement une transmissibilité accrue, sans pour autant pouvoir la quantifier avec précision. Alexandre Assanin, votre sentiment à ce propos, il faut aussi préciser qu'il y a peut-être un effet de loupe qui est lié au fait que la Grande-Bretagne fait beaucoup de séquençage viral, ce que fait par exemple relativement peu la France. Est-ce que ce surcroît là pour le coup de séquençage pourrait finalement donner un coup de projecteur que l'on n'aurait pas forcément vu ou identifié de la même façon si bien ce variant s'était diffusé en France, par exemple? Oui, ça, clairement, en Angleterre, ils ont beaucoup plus de données génomiques que chez nous. Hein. Je crois que j'ai lu que c'était de l'ordre de 10% des cas qui étaient séquencés, pour lesquels le génome complet était séquencé. Donc forcément, on voit beaucoup plus les choses. Par ailleurs, en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de cas quand même en Angleterre ces derniers cas. Hein. Je crois que c'est plus de 60 000 cas ces derniers jours. Donc, est-ce que c'est directement lié à ce variant? De toute évidence, ça semble être un peu le cas parce que ce variant semble s'imposer dans les populations anglaises. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'indices qui suggèrent que ce variant est plus contagieux. Alors après, la détection aussi se fait par PCR en Angleterre. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas en France, Étienne le confirmera ou pas, mais ils utilisent une PCR qui cible trois régions du génome, du SARS-CoV-2, une région qui correspond aux gènes ORF1, AB, N et S. Et pour ce variant, a priori, l'amplification de cette région est négative, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir trois résultats positifs, on a deux résultats positifs avec ce variant. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que j'ai entendu Arnaud Fontanet qui expliquait qu'on peut utiliser, et d'ailleurs les auteurs des études ont utilisé cette caractéristique pour mettre en évidence l'évolution de ce variant dans les populations anglaises. Donc c'est indirectement, c'est ça. Comme technique. Et donc... Ça permet de le caractériser en quelque sorte sans avoir forcément recours au séquençage génétique, quoi. Tout à fait. Je pense que forcément, vu l'intérêt de ce variant, on a tout intérêt, à essayer de séquencer son génome entier, pour le coup, pour voir comment ça évolue, parce que forcément, la dynamique évolutive, elle ne va pas s'arrêter à ce variant, ça continue à évoluer, donc ça continue à muter. Donc forcément, si on veut comprendre comment il évolue, comment il s'impose, il faut séquencer les génomes davantage, je pense, en France. Étienne Simon-Laurière. Oui, alors cette particularité du variant anglais qui a une petite délétion, donc il y a quelques nucléotides qui ont disparu dans le génome du SARS-CoV-2, donc au niveau de la spike, et qui est l'une des... La spike, c'est la protéine de surface, je le précise juste. La spicule en français, exact. C'est ça. Qui est donc ciblée par certains de ces tests. Malheureusement, cette petite délétion a déjà été vue ailleurs dans l'épidémie, et par exemple en France, il y a certains variants qui la portent, cette délétion, sans pour autant être le variant anglais. Et donc on a essayé, avec le Centre National de Référence évidemment, de mettre en place ce test ou ce proxy de test pour essayer d'avoir des informations avant d'avoir les résultats du séquençage. Et malheureusement, très souvent, ce sont d'autres variants qui, on l'espère, sont moins problématiques que l'on détecte. Donc aujourd'hui, on reste sur du séquençage complet pour pouvoir vraiment confirmer la présence de ce variant sur une région. On reviendra tout à l'heure sur cette délétion 69-70 qui a beaucoup inquiété, notamment lors de l'épisode des visons au Danemark. On y reviendra dans un instant. Une question tout de même, pour continuer et peut-être conclure un peu sur ces propos génériques et les inquiétudes bien légitimes que l'on peut avoir vis-à-vis de ce variant britannique. Est-ce qu'il est aujourd'hui, selon vous, Étienne Simon-Laurière, inéluctable que ce variant passe en France s'il s'avère et s'il est confirmé qu'il est plus facilement infectieux et du coup qu'il devienne finalement bien le variant dominant sur le continent européen? Alors non, on peut pas prédire, on écrit l'histoire tous les jours, et donc si les gens sont respectueux des gestes barrières précautionneux, on peut encore aujourd'hui enrayer la diffusion de ce variant en France. On a des premiers cas qui sont pour l'instant détectés lorsque ce sont des gens qui reviennent directement de voyage d'Angleterre ou qui arrivent d'Angleterre, et donc s'ils sont mis immédiatement en isolement, ce variant pourra être enrayé. Mais malheureusement, il est possible, parce que c'est la caractéristique de ce virus depuis le début de l'épidémie, que des gens complètement en forme ne réalisent pas qu'ils sont infectés et diffusent le virus. Et ça, malheureusement, l'avenir nous dira si effectivement c'est ce qui est en train de se passer ou si on va réussir à le contenir. Alexandre Assanin, vous pensez que ce variant peut être contenu, en tout cas gardé à l'intérieur des frontières de la Grande-Bretagne, sans passer ou sans se répandre, en tout cas sans devenir majoritaire et dominant sur le continent européen ? J'avoue que je suis plutôt pessimiste vu qu'il est déjà présent, et si identifier déjà les cas, il faut déjà identifier les cas passés, parce qu'a priori ce variant il existe depuis septembre, je crois, au moins en Angleterre, mais du coup ça fait beaucoup de possibilités de passage de l'Angleterre à la France, donc j'ai un peu peur qu'il soit déjà présent en grande quantité en France. Donc après, identifier les cas, ça me semble Ça me semble inévitable qu'il progresse en France et ailleurs. Hein. Et un mot par ailleurs, parce que il a été dit que ce variant touchait plus les enfants ou les jeunes, suite notamment aux déclarations de la chef infirmière de l'hôpital du King's College de Londres. On ne va pas traiter cette question-là parce que ça a été a priori démenti. Et puis c'est par ailleurs le sujet des idées claires, de l'épisode des idées claires qui sera diffusé normalement, si tout va bien, demain matin et auquel je pourrais vous renvoyer si vous voulez plus d'informations à ce sujet. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons donc du SARS-CoV-2, de ses mutations, de ses variants, du variant britannique, mais on va dire un mot également du variant en Afrique du Sud qui préoccupe également les pouvoirs publics là-bas. Nous en parlons avec Étienne Simon Laurière et Alexandra Sainin. Alors, j'aimerais vous poser une question à tous les deux parce que on a dit, et je vais renvoyer les auditrices et les auditeurs aux émissions précédentes que nous avions consacrées à la question des mutations, que l'une des particularités de ce SARS-CoV-2, qui est un virus ARN, c'est que, eh bien, comparé aux autres virus ARN, il mutait relativement peu parce qu'il était doté, eh bien, non seulement d'un très grand génome de 30 000 bases, de 30 000 nucléotides, et avec notamment un système de correction d'erreurs. Or, aujourd'hui, quand on s'intéresse à ce variant britannique, que lit-on ? On lit que, eh bien, en tout, il y aurait environ 80 000 variants à tester. Alors, on comprend plus très bien ce qu'il faut justement comprendre de ces possibilités de mutation du virus et de ce que sont exactement ces variants, Étienne Simon Laurière. Alors, on peut faire court et on peut faire long. Je vous en prie. On parle de mutations. Les mutations, ce sont donc des erreurs de copies lorsque le virus fait des copies de son génome, lorsqu'il a infecté une cellule. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement, comme vous le disiez, relativement rare. On estime, mais en comparaison de bien d'autres organismes, assez fréquent. Mais il y a un petit système de relecture, et donc on est une situation où, lorsque le virus copie son génome entier, qui fait presque 30 000 nucléotides, il fait en moyenne une erreur. Évidemment, donc, quand on considère que ce sont des milliers, voire des milliards de copies de virus qui sont faites au sein d'une personne quand la personne est infectée pendant le cours de cette infection, ça fait énormément de chances de faire des changements qui vont venir s'accumuler dans le génome. Ce qui nous intéresse et qu'on suit en cours de l'épidémie, ce sont les mutations qui sont fixées dans l'épidémie, qui ont eu un succès épidémiologique et qu'on voit se diffuser dans les populations. On parle alors de substitution. Et ce nombre-là, c'est ce qu'on estime. Et on estime qu'en moyenne, le SARS-CoV-2 accumule environ un petit peu moins de 2 mutations chaque mois. Donc on peut arriver donc aujourd'hui à, si on compare des variants que l'on détecte, qu'on séquence aujourd'hui, à peu près un an après l'émergence du virus, un peu plus d'un an, on peut s'attendre à environ un peu plus d'une vingtaine de changements par rapport au virus originel. Et on en a un tout petit peu évoqué, Alexandre l'a mentionné, il y a beaucoup de mutations, un peu plus de mutations que la moyenne dans le variant anglais. Et pour ceci, il y a des hypothèses qui sont discutées, qui sont explorées, notamment avec peut-être une évolution dans un contexte spécial, peut-être, de ce variant qui aurait pu évoluer au sein d'une personne immunocomprimée, immunodéprimée, et dans lequel un nombre plus grand de mutations que ce qu'on attend en moyenne aurait pu se fixer dans le génome, puisqu'il n'y avait pas de défense immunitaire pour essayer de contrer le virus. Ça, c'est une hypothèse solide de dire que ce variant anglais, il serait apparu chez un patient. Alors, on met beaucoup de précautions, hein, on en a déjà parlé à ce micro, autour de cette notion de patient zéro, mais finalement que ce variant serait apparu effectivement chez un patient immunodéprimé et qu'il aurait pu se répandre à partir de là. Quelle est la solidité de cette hypothèse, Étienne Simon Laurière? Alors, évidemment, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Bien sûr. Simplement, on note que jusqu'ici, et ça continue, c'est le cas, le virus accumule de manière vraiment très très stable ces mutations, donc ce chiffre d'environ de substitution chaque mois. Et donc, il y a vraiment une incompatibilité entre ces chiffres que l'on mesure de plein de façons différentes et le nombre de mutations que l'on observe dans ce variant anglais. Et on a plusieurs rapports qui décrivent le suivi de virus au sein de personnes immunodéprimées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et chez ces patients, souvent, on voit une accumulation beaucoup plus libre, beaucoup plus fréquente de changements dans différentes régions du génome, mais aussi souvent dans la région correspondant à la spicule, donc à la protéine de surface du virus. Et ceci rappelle très fortement la présentation de la distribution des mutations que l'on voit dans ce variant anglais. Mmh. Alexandre Assanin, du coup, on entend bien environ une à deux mutations qui resteraient, c'est-à-dire en fait qui ferait évoluer en quelque sorte le virus, qui serait retenu par la sélection évolutive. Mais comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui de une à deux mutations par mois à 80 000 variants du virus identifiés? Alors, les mutations, il faut savoir que, alors, comme le disait Étienne tout à l'heure, ça arrive au moment de la réplication. Hein, c'est des erreurs lors de la réplication qui sont transmises à la génération suivante. Ces erreurs, elles sont en partie corrigées grâce à l'activité de relecture pour ces virus. Hein, c'est pas le cas de tous les virus. Donc, du coup, il y a des virus qui évoluent beaucoup plus vite que le SARS-CoV-2, hein, c'est connu. Cela étant dit, ces virus, les virus d'une façon générale, évoluent beaucoup plus vite que nous, par exemple. Moi, j'aime bien comparer avec notre cas de figure. Or, en fait, on sait que les taux d'évolution, ils dépendent beaucoup du temps de génération. Chez l'homme, le temps de génération, c'est d'une génération à l'autre. Il faut que s'écoule une vingtaine, une trentaine d'années. Hein. Pour un virus, il faut, en particulier le SARS-CoV-2, ce temps de génération, il a été estimé, selon certains auteurs, entre 1 et 7 jours. Donc on fait vite le rapport, c'est-à-dire que plus les temps de génération sont courts, plus vous aurez de mutations qui vont s'accumuler dans les séquences. Donc ça, c'est une explication pour expliquer ces taux d'évolution beaucoup plus rapides chez les virus. Il y a d'autres explications, hein. C'est une molécule d'ARN. On sait que les molécules d'ARN évoluent plus vite que les molécules d'ADN par rapport à notre génome qui est une molécule d'ADN. On sait aussi que ce virus, il est monocaténaire, c'est-à-dire il est simple brin, alors que nous, on a une double hélice d'ADN et on sait que les molécules, il y a eu beaucoup d'expériences là-dessus, les molécules simple brin accumulent plus de mutations que les molécules double brin. Donc il y a tout un faisceau d'arguments pour expliquer pourquoi il y a beaucoup de mutations observées chez ces virus. Alors ensuite, moi, ce qui m'interpelle le plus dans le cas de ce virus, c'est la proportion de ce variant, pardon, c'est la proportion de changements en acides aminés. C'est-à-dire que, en général, en fait, quand vous comparez les séquences qui codent pour des protéines, par exemple chez l'homme, hein, si vous alignez des séquences en ADN, vous verrez des variations qui se focalisent principalement, alors je suis désolé, je vais être un peu technique, en troisième position de codon, tout simplement en raison de la dégénérescence du code génétique, c'est-à-dire que vous avez, pour un même acide aminé peut être codé, ça dépend des acides aminés, mais entre 2 et par 2 ou 4, voire 6 codons différents. Alors, je vais juste vous interrompre un instant, Alexandre Assanin, pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qu'un codon, c'est un groupe de 3 nucléotides, et quand ils sont lus, voilà, ça donne la base d'un acide aminé. Ces 3 nucléotides, vous savez, ce sont les lettres, hein, l'ADN en a 4, l'ARN en a 4 aussi, il y en a une qui change, et donc ce sont des combinaisons de ces 4 lettres qui vont donner ces triplets, entre guillemets, qui codent pour les acides aminés. Or, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que si une seule lettre change dans ces codons, ça peut continuer malgré tout à coder pour le même acide aminé. C'est ce qu'on appelle une mutation synonyme ou silencieuse. Parfois, une lettre, ça change, mais ça donne quand même le même résultat, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Si vous avez une mutation, une substitution synonyme, c'est-à-dire que vous passez d'un codon, donc d'un triplet à un autre triplet, mais avec un changement en troisième position de codon, vous n'aurez en général pas de changement en acide aminé. Et en particulier si c'est des transitions. Alors désolé, on est vite technique dans ces cas-là, mais quoi qu'il en soit, quand vous comparez des séquences, quand vous alignez différentes séquences, vous voyez beaucoup de variations au niveau de ces troisième positions de codon parce qu'elles sont synonymes. Là, dans le cas du variant, elles ne changent rien en l'occurrence. Donc ça ne change pas les séquences en acide aminé. Donc la fonction des protéines n'est pas modifiée. En revanche, là, pour ce variant, je revois mes notes. On a 23 substitutions identifiées qui lui sont propres, mais qui ont été trouvées indépendamment chez d'autres variants, mais qui différencient ce variant des autres variants. Donc 23 substitutions et 17 de ces substitutions correspondent à des changements en acides aminés. Donc il y a plus de substitutions qui correspondent à des changements en acides aminés que des substitutions qui ne changent pas les acides aminés. Donc pour moi, ça, c'est la preuve qu'on a eu une sélection positive, c'est-à-dire que ce virus s'est adapté à l'environnement dans lequel ils se multipliaient. Alors évidemment, de l'hypothèse qui a été évoquée, c'est-à-dire que c'est un virus qui a infecté longuement une personne, donc le virus essaie de se développer, de se multiplier, donc forcément, s'il a le temps de s'adapter, il va s'adapter, hein, c'est-à-dire que c'est seuls les variants qui se multiplient vont être sélectionnés. Donc, or là, on a vraiment un cas qui nous suggère qu'on a eu ce cas de figure. Alors, il y a d'autres hypothèses possibles concernant l'apparition de ce variant. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, alors c'est un peu un scénario, évidemment c'est très spéculatif, mais on s'attendrait finalement à avoir ce type de changement lors d'un changement d'hôte, par exemple. C'est-à-dire que si le virus passe d'une espèce comme l'homme, par exemple, au vison, et d'ailleurs ça a été observé, on observe une augmentation des mutations et beaucoup d'entre elles vont être sélectionnées pour faire en sorte que le virus se multiplie davantage dans ce nouvel environnement, ce nouvel hôte. Je vous arrête, Alexandre Assanin, parce qu'on en discutera tout à l'heure, parce qu'on va parler dans quelques minutes de la question de l'origine du virus et justement de la question des changements d'hôte et de cette hypothétique hôte intermédiaire qu'on a tant de mal à trouver. Étienne Simon Laurière, je crois que vous vouliez redire un mot, parce que c'est intéressant, et peut-être qu'on peut dire quelques mots là-dessus, sur ces différentes mutations, sur les 23 mutations que l'on compte dans ce variant britannique. Il y en a 17 qui sont effectives, c'est-à-dire qui ont un effet sur le virus. Et ce qui est inquiétant, et c'est bien pour cela que les pouvoirs publics sont préoccupés par ce virus, c'est qu'il y en a, sur ces 17, il y en a un certain nombre qui sont, et là aussi c'est un peu technique, mais c'est vraiment très important de bien le comprendre, ce sont des mutations dans ce qu'on appelle le RBD, c'est-à-dire le Receptor Binding Domain, c'est-à-dire l'endroit qui va lier le virus à la cellule et qui va lui permettre d'entrer dans la cellule. Il y a la protéine spicule, mais il y a d'autres petites protéines. Et quand les mutations arrivent dans ce RBD, eh bien c'est là que le virus peut changer un petit peu, mais parfois suffisamment pour tromper un peu plus les défenses immunitaires ou pour s'adapter un petit peu mieux à l'hôte qu'est l'être humain. Oui, tout à fait. Juste pour revenir et pour contextualiser l'ensemble de ces mutations qui sont effectivement très nombreuses, très fréquentes, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un génome qui lui aussi est très grand et que la plupart de ces mutations, même quand elles sont non synonymes, donc même quand elles changent l'acide aminé, elles ont un effet qui est neutre ou qui ne donne pas un avantage majeur au virus. Dans une écrasante majorité des cas, il faut bien le préciser, les mutations, soit ça ne marche pas, c'est-à-dire que soit la mutation va pousser le virus à s'autodétruire parce que d'un coup ça fait une sorte d'erreur système, soit ça revient exactement au même je n'ai pas la proportion en tête, mais en tout cas, dans l'écrasante majorité des cas, les mutations sont invisibles ou conduisent à la mort du virus. Exactement. Et donc, quand on a cette série de mutations qui apparaissent dans un virus, dans un variant comme celui du variant de V8 qui a été identifié en Angleterre, pour démontrer que certaines de ces mutations, ou l'ensemble, mais très peu plausiblement l'ensemble, ont un effet qui correspond à une adaptation, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que l'exemple d'Alexandre était très intéressant avec le changement d'hôte, parce que quand, à plusieurs reprises, le virus a été transmis de l'homme au vison, on a vu certaines mutations récurrentes arriver de manière indépendante sur des génotypes différents du virus et dans différents endroits dans le monde. Et donc là, quand ces mutations sont communes et ont l'air d'arriver de manière très très régulière, on est beaucoup plus confiant qu'on est en face à quelque chose qui représente de l'adaptation. Pour le variant anglais, ça sera très compliqué à démontrer et il est très peu plausible que l'ensemble de ces mutations, y compris celles qui sont dans le domaine de liaison récepteur, reflètent vraiment une adaptation du virus. Il y a une mutation en particulier qu'on a vu émerger à différents endroits dans le monde et que vous allez peut-être évoquer un peu après puisqu'elle est aussi présente dans le variant qui a été détecté en Afrique du Sud, là, en position 501. Voilà, N501Y. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui vraiment viennent affirmer que ce qu'on observe, c'est une adaptation. Et au mieux, de toute façon, puisque clairement, le virus est déjà largement, largement apte à se transmettre d'homme à homme et à se diffuser dans la population, il serait probablement plus raisonnable de parler d'optimisation ou vraiment de toutes petites modifications qui viennent faire des petits ajustements pour le virus, et c'est tout. On va parler de quelques-unes de ces mutations. Elles sont intéressantes parce qu'il y en a qu'on retrouve effectivement dans le variant d'Afrique du Sud. Il y en a d'autres qu'on retrouve dans le variant du vison et qui a conduit donc à l'abattage massif des visons par millions au Danemark. Et puis on va parler aussi de l'origine du virus, de cette question des mutations initiales et de la question non résolue de l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'être humain. Ce sera dans quelques instants. Impératrice, erreur 404 sur France Culture à 16h37. Nous parlons tout au long de cette heure des variations et des mutations du virus SARS-CoV-2. Nous en parlons avec Étienne Simon Laurière, qui est virologue responsable de l'unité génomique évolutive des virus ARN à l'Institut Pasteur, et Alexandra Sanin, qui est maître de conférence à Sorbonne Université, membre de l'Institut Systématique Évolution Biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'aimerais qu'on dise un mot de ces différentes mutations observées dans le variant britannique et certaines dans le variant d'Afrique du Sud. Vous avez parlé tout à l'heure, Étienne Simon Laurière, d'une mutation, donc en position 501, on l'appelle N501Y, qui a été observée également chez le vison et qui pourrait augmenter justement l'affinité de cette fameuse protéine de surface, de la protéine de spicule, pour les récepteurs ACE2. C'est l'une des mutations qui préoccupe les virologues. Tout à fait, oui, c'est une des mutations qui intéresse beaucoup, et de par sa position, vous venez de le dire, vraiment au sein de cette petite poche qui vient faire le contact entre la protéine de surface du virus, la protéine de spicule et le récepteur ACE2. Et donc ici, on a déjà vu, et en l'occurrence justement, cette position dans certains cas, quand le virus a été adapté à la souris, par exemple, par des équipes chinoises, pour pouvoir avoir des outils très utiles pour faire des études sur des vaccins ou tester des composés qui pourraient avoir des propriétés antivirales. C'est cette position-là aussi qui avait été modifiée. Et donc clairement, on est dans une zone qui peut être légèrement optimisée pour que le contact se fasse de manière la plus efficace possible pour le virus. Et donc ce changement pourrait contribuer en effet à ce phénotype que l'on, pour l'instant, on attend la confirmation, mais qui est très probable. Il y a autre chose qui était très préoccupant. Là aussi, c'est une mutation qu'on a pu observer chez les visons. En l'occurrence, ça n'est pas une mutation, c'est une délétion. C'est-à-dire que ce sont des nucléotides qui ont disparu. On parle de la délétion 69-70. Qu'est-ce que c'est exactement que cette délétion? Et là aussi, Étienne Simon Laurière, pourquoi est-ce que cette coupure dans le génome viral inquiète particulièrement les virologues et les infectiologues? Alors une délétion, on revient encore à la polymérase qui vient faire ses copies, plein de copies du génome à chaque cycle de réplication d'infection d'une cellule. De temps en temps, la polymérase, en faisant sa petite bobine de copies, à un moment donné, va se décrocher et puis revenir se raccrocher sur sa matrice et en s'étant malheureusement décalé de quelques nucléotides. Et ceci, quand c'est un multiple de 3, vous avez parlé des codons tout à l'heure, peut amener à une protéine qui n'est pas interrompue, donc qui reste similaire à la protéine précédente, mais qui a perdu 1, 2 ou 3, ici c'est 2, acides aminés. Et ceci peut, et c'est le cas ici, ne pas être incompatible avec la fonction de la protéine, puisque c'est dans une boucle qui a l'air d'être souple. Ah, nous avons, je crois, une petite rupture. Nous avons perdu non pas des nucléotides, mais nous avons perdu la connexion avec Étienne Timolaurière. Alexandre Assanin, peut-être que je vous laisse poursuivre sur cette question de la délétion et sur vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs à propos des tests PCR. Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement, ou je ne sais pas si on peut dire particulièrement préoccupante, mais en tout cas, elle inquiète dans la communauté virologique? Alors malheureusement, Étienne était la personne la plus... on va le retrouver dans un... Ah, je crois qu'on vient de le retrouver. Étienne Timolaurière, vous êtes revenu parmi nous ? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je vous laisse poursuivre sur cette question de délétion. Et vous avez entendu le mécanisme ? Alors, on a entendu le mécanisme, on vous a perdu au moment où vous nous disiez que la boucle de la protéine était suffisamment souple pour que la protéine continue à exercer sa fonction. Tout à fait, pour tolérer ceci. Et alors, ce qui est très intéressant, mais là encore, ce sont des résultats qui sont très préliminaires, qui sont simplement déposés dans des préprints et donc qui ne sont pas encore validés par les pairs scientifiques. On a l'impression que cette délétion pourrait avoir un différent rôle. D'une part, sur l'immunité, si jamais des anticorps venaient spécifiquement s'accrocher exactement sur cette portion de la protéine, eh bien, puisque cette boucle est différente maintenant, ces anticorps se fixeront moins bien. Donc, ça pose des questions sur l'immunité. Et l'autre chose qui est très intéressante, ce sont les interactions à distance au sein de la protéine, puisque cette protéine a besoin, donc on le disait, de faire contact avec le récepteur pour ensuite induire la fusion des membranes et l'entrée du matériel génétique du virus dans la cellule. Et donc ici, il semble qu'il y ait des interactions à distance qui vont compenser, et donc le changement dont on a parlé en 501, en position 501, pourrait rendre le virus un petit peu moins efficace. Et s'il est combiné avec ce petit changement en position 69-70, l'activité d'entrée du virus revient très efficacement. Mmh. Alors, une question peut-être à propos du... En fait, par rapport généralement à ce qui est en train de se passer, à cette préoccupation du variant britannique, parce que tout de même, quand on prend un peu de recul, un variant finalement viral qui s'est adapté pour correspondre un peu mieux à l'hôte humain et qui d'un seul coup se généralise, mais finalement c'est exactement ce qui s'est passé au mois de février avec le variant qui a colonisé toute l'Europe, je crois que c'est le variant D614, et finalement, ça n'empêche ni la recherche vaccinale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce variant D614 qui a colonisé à partir de fin février, début mars, toute l'Europe et qui est très largement majoritaire en Europe, à quelques rares exceptions près, comme l'Islande, ça n'a pas surinquiété la communauté virologique. Est-ce que simplement c'est parce qu'on ne connaissait pas encore suffisamment bien le virus à l'époque? Est-ce qu'on peut comparer ce variant britannique avec ce fameux variant D614, Alexandre Assanin? Là aussi, je pense qu'Étienne est mieux placé que moi pour en parler. Moi, je pense que malheureusement, les mutations, elles arrivent. Hein. C'est des milliers de mutations déjà observées. Donc, on ne peut pas lutter contre l'apparition de nouveaux variants. Donc, on les subit hein, plus que... Alors après, je pense qu'il inquiète fortement celui-ci parce qu'effectivement, il semble avoir une affinité plus importante. Sa protéine S semble avoir une affinité plus importante pour les récepteurs cellulaires, nos récepteurs cellulaires. Donc, mais après, je laisse Étienne répondre pour la suite, parce que je sais qu'il est plus compétent que moi en la matière. Étienne Timolaurière, sur cette question. Alors oui, c'est une comparaison qui vient à l'esprit, en effet, mais qui est assez délicate. Effectivement, le variant D614G est apparu très très tôt dans l'épidémie et s'est diffusé de manière très très efficace. Seulement au tout début de l'épidémie, il y a aussi beaucoup de facteurs aléatoires, du hasard, du jeu des voyageurs qui sont revenus de Chine, notamment en Europe, et qui apparemment portaient de manière, encore une fois, le hasard, un peu plus souvent cette mutation que la mutation D à cette position. Et ceci a clairement contribué, en plus des propriétés qu'on a pu démontrer ensuite comme étant effectivement un petit peu modifiées, ont probablement contribué à son succès épidémiologique. Donc c'est pas uniquement le fait qu'il était légèrement plus transmissible, on s'en est rendu compte, probablement parce que cette mutation qui n'est pas du tout dans le domaine de liaison récepteur, mais qui était sur le côté de la protéine, venait stabiliser légèrement la protéine dans une conformation plus propice à la fusion. Ceci a donc, c'était une combinaison de plusieurs choses. Une partie, le hasard, puisque malheureusement, l'épidémie a démarré en Chine, est arrivée en Europe, et l'Europe a ensuite nourri l'épidémie dans beaucoup de régions du monde, notamment dans les Amériques Nord et Sud et en Afrique. Et donc, ce succès épidémiologique reflète tout autant ce hasard que ces petites propriétés augmentées. Mmh. En comparaison, le variant anglais émerge dans une situation où il y a une propagation continue et active du virus. Et là, ce variant anglais semble se propager de manière plus rapide. Et donc là, il n'y a pas l'effet du hasard, ou en tout cas moins l'effet du hasard qui vient s'ajouter. Et c'est pour ça que ça préoccupe plus la communauté scientifique. Un mot très rapidement, parce que j'aimerais qu'on conserve du temps pour parler des recherches de l'origine du virus. Un mot très rapidement sur le variant d'Afrique du Sud. On a moins d'informations, parce que l'Afrique du Sud, là aussi, séquence moins que la Grande-Bretagne. Néanmoins, il semblerait là aussi que ce variant 501 V2 semble se diffuser plus rapidement que les variants standards. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Étienne Simon-Laurière ? Alors, les données sont effectivement un peu plus rares. Ce variant porte lui aussi ce changement en position 501Y, qui vient donc laisser à penser que ce changement pourrait être une optimisation, ou peut-être une adaptation, une optimisation à la transmission chez l'homme. Et il porte aussi de très nombreuses mutations ou changements dans la protéine de spicule à la surface. Et certaines de ces changements posent des questions. Tous les changements dans la protéine de spicule nous font poser des questions, puisqu'on veut vérifier, et c'est des choses qui sont en cours, autant pour le variant d'Angleterre et que le variant d'Afrique du Sud, pour vérifier si la réponse immunitaire d'une personne qui a été exposée naturellement au virus et donc a appris à s'en défendre, ou une personne qui a pu être par chance vaccinée, vont toujours être capables de contrecarrer ce virus s'ils sont réexposés. Mmh. Et donc là, il y a peut-être un petit peu plus de choses qui sont creusées, notamment un autre changement en position 484, qui lui, tout récemment encore, a été associé à, là aussi, à une petite réduction du pouvoir de neutralisation par certains anticorps. Mais c'est important de relativiser tout ça, puisque tous les candidats vaccins qui sont en cours de déploiement en ce moment vont présenter à l'organisme l'ensemble de la protéine de spicule, qui est une grande protéine. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un ou deux changements localement, et même ici, 7 ou 8 changements le long de la protéine, que l'ensemble des anticorps vont être moins efficaces. Juste certains de ces anticorps pourront être moins efficaces. Les autres, eux, seront toujours capables de se lier à la protéine et l'empêcher de faire la liaison et d'entrer dans nos cellules. Est-il vrai, très brièvement, comme le disait le ministre de la Santé, ou comme l'ont dit également les laboratoires BioNTech ou Moderna, que la technique de vaccin ARM permet finalement de s'adapter relativement rapidement en cas de changement majeur de la conformation de la protéine de surface? C'est le cas absolument pour l'ensemble des stratégies vaccinales qui ont été déployées assez rapidement aujourd'hui, puisque justement on peut faire le lien entre la vitesse de déploiement et les adaptations qui pourront être faites. Ce sont des techniques qui ne nécessitent pas de longues périodes d'adaptation, comme ça avait pu être fait historiquement pour le vaccin contre la fièvre jaune ou le vaccin contre la rougeole. C'est quelque chose qui a été synthétisé en copiant ce qui a été séquencé tout au début de l'épidémie en Chine. Et donc, faire une adaptation, c'est très très rapide, en effet. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette quête de l'origine du virus. Je me retourne vers vous, Alexandre Assanin, puisqu'une équipe de l'OMS s'est donc rendue en Chine, est en cours de déplacement pour enquêter. Manifestement, la Chine est assez, pour le moment, peu encline à les recevoir. On nous a dit, depuis le début, là aussi, chauve-souris, pangolin, homme. On en a parlé ici. Je vais vous renvoyer aux émissions qui l'évoquaient pour ne pas retracer toute cette histoire. Mais aujourd'hui, Alexandre Assanin, ce schéma de mutation-propagation n'est plus du tout privilégié. Le pangolin aurait été en quelque sorte innocenté. Alors, pour le coup, vous êtes tombé sur la personne qui ne croit pas à cette hypothèse. Alors, on est obligé de se cantonner à certaines hypothèses à l'heure actuelle. Hein. Mais en fait, ce que l'on sait déjà, moi j'aime bien comparer avec les précédentes épidémies de SRAS, hein, parce qu'on a beaucoup de virus qui ont été séquencés chez des espèces sauvages, en l'occurrence des chauves-souris. Et donc, sur le SRAS, le SARS-CoV, ou SARS-CoV-1, hein, donc la version antérieure, on a identifié beaucoup de variants, pour reprendre le terme, de différents chez les chauves-souris, et en particulier chez les chauves-souris du genre Rhinolophus, plusieurs espèces de chauves-souris. Et si on analyse ces séquences, on s'aperçoit que donc dans toute la Chine, hein, des variants ont été trouvés dans les différentes provinces de Chine, on s'aperçoit qu'il y a une structure géographique quand on analyse l'évolution de ces variants, c'est-à-dire que les variants du nord sont différents des variants de l'est et sont différents des variants du sud. Donc ça suggère que cette structuration géographique, elle est potentiellement liée à la capacité de dispersion des chauves-souris en Chine, hein, c'est-à-dire que les espèces ne dispersent pas de part et d'autre de la Chine, hein, du sud vers l'est ou vers le nord. Or, là, maintenant, je vais revenir au deuxième groupe de virus, donc plus récent, le SARS-CoV-2. Hein, la lignée du SARS-CoV-2, jusqu'à très récemment, elle n'était pas du tout connue. C'est-à-dire qu'on connaissait SARS-CoV, tous les virus autour du virus SARS-CoV, mais SARS-CoV-2, c'est tout récent. Hein, c'est le premier virus séquencé pour ce groupe. Alors, à l'exception, on va dire, de virus chimère de l'Est de la Chine, qui présente des fragments de type SARS-CoV et des fragments de type SARS-CoV-2. Bon, après, ça semble être local pour tous les virus, mais donc le premier à avoir été découvert, c'était le pangolin, qui a été séquencé même avant l'épidémie, en septembre 2019. Mm-hmm. À l'époque, ça intéressait personne, en fait, ou quasiment. Mais très vite, à partir du moment où a été séquencé le premier génome humain, des comparaisons ont été faites avec ce génome des pangolins. Et là, il a fortement intéressé, parce qu'on s'est aperçu que c'était le plus proche, en fait, à l'époque. Ensuite, alors à l'époque, si je vous interromps, excusez-moi, mais dites-moi, je parle sous votre contrôle. Le pangolin aujourd'hui, le virus, et si on l'a exclu, c'est que en fait, si on a pensé que le pangolin était l'hôte intermédiaire, c'est parce que sa version du virus est plus lointaine génétiquement que celle des chauves-souris, mais en revanche, elle est beaucoup plus proche, justement, dans cette fameuse zone RBD, c'est-à-dire cette zone de liaison. La protéine de spicule du pangolin est plus proche que celle de l'homme, et donc ce serait une recombinaison entre les deux qui aurait permis justement bien la transformation et d'aboutir à ce variant contagieux pour l'homme qui est le SARS-CoV-2. Mais néanmoins, pourquoi aujourd'hui cette théorie-là est mise en question, même si vous continuez a priori à la soutenir? Alors le problème, c'est qu'on regarde ce qu'on a séquencé actuellement, c'est-à-dire ce qu'on a séquencé actuellement chez le pangolin. On a effectivement un variant qui présente un domaine RBD très proche du virus humain. On a un autre variant chez le pangolin, toujours le pangolin malais, qui est beaucoup plus divergent. Et on n'a que ça, en fait, le problème. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas séquencé tous les pangolins qui se trouvaient en Chine, dans des cages, vivants. Donc, c'est que la partie émergée, tout ça. On a aucune idée, en fait, des variants qui sont possiblement hébergés par les pangolins. D'ailleurs, on ne sait même pas, pour tout vous avouer, comment ce virus s'est retrouvé chez les pangolins. On ne sait pas si les pangolins ont été contaminés par des chauves-souris, on ne sait pas si ces pangolins ont pu être contaminés par des petits carnivores, vous voyez, du style civette, pourquoi pas des visons, hein, après tout, parce que ces pangolins, ils étaient très prisés à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent gardés vivants en cage, et ils ont pu être mis à proximité de petits carnivores, eux-mêmes vivants ou morts. D'ailleurs, vous voyez, vous l'avez dit précédemment, le virus est encore très présent dans les cadavres d'animaux, donc la transmission reste possible. Donc, on ne sait pas grand-chose, mais le fait d'avoir quand même trouvé deux génomes divergents chez les pangolins, c'est extrêmement intriguant pour le coup. Hein. C'est les rares animaux sauvages chez lesquels on a trouvé ces génomes. Donc, Est-ce qu'on a besoin, Alexandra Sanin, nécessairement de cet hôte intermédiaire? Parce que là, on a trouvé aussi, alors ce n'est pas encore le SARS-CoV-2, hein, c'est la version de la chauve-souris qui n'est pas le même virus, c'est le virus RATG13, mais on trouve des versions, il y a des versions qui ont été séquencées jusqu'en 2013 hein, dans une mine abandonnée, qui ont des taux de similarité avec le SARS-CoV-2 qui montent jusqu'à 93 ou 95%. Finalement, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir eu juste un passage absolument direct entre la chauve-souris et l'être humain à l'occasion de ces différents contacts, parce qu'on pense qu'il n'y a effectivement pas eu simplement un événement de contact, mais différents contacts avec les années qui ont fini par aboutir à cette recombinaison qui donne le SARS-CoV-2. Tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est une autre hypothèse, c'est-à-dire une transmission directe des chauves-souris à l'homme. La certitude qu'on a actuellement, c'est que les chauves-souris du genre Rhinolophus sont le réservoir de tout ce groupe de virus, hein, SARS-CoV-2, SARS-CoV, les sarbécovirus, comme on les appelle. Ça, c'est une certitude parce qu'on a identifié tellement de variants divergents chez les chauves-souris, chez plusieurs espèces de Rhinolophus. Donc, on a cette certitude que c'est le réservoir. Après, que l'épidémie, que le premier cas, on va dire, ait été contaminé par une chauve-souris, c'est une possibilité. Alors, en revanche, du point de vue géographique, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire que, pour l'instant, officiellement, l'épidémie a commencé à Wuhan. On est très au nord en Chine. Or, en fait, tout le groupe SARS-CoV-2, pour ce qui est des séquences obtenues chez des espèces sauvages, hein, les pangolins dont je parlais tout à l'heure, c'est des pangolins malais. C'est-à-dire qu'on n'en trouve quasiment pas en Chine. Donc, ils sont présents en Asie du Sud-Est. La chauve-souris dont vous parlez, la version RATG13, qui est effectivement proche à 96% du génome humain, c'est une chauve-souris de l'espèce Rhinolophus affinis, alors qui, elle, a une distribution assez large. On la trouve dans toute l'Asie du Sud-Est, mais on la trouve aussi un peu partout en Chine, mais pas dans la province de Hubei, donc vers Wuhan. Mm-hmm. Une autre espèce chez laquelle on a trouvé aussi un génome très proche aussi du SARS-CoV-2, c'est Rhinolophus malayanus. Ça, c'est une espèce de chauve-souris qui est plus d'affinité, plus trouvée au sud, donc en Asie du Sud-Est, et un petit peu dans le Yunnan. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, tout ce groupe de virus, du point de vue biogéographique, hein, si on compare avec la situation, c'est le SARS-CoV, où en fait on a une forte structure géographique en Chine, et ce sont les mêmes réservoirs, hein, Rhinolophus. Hein, en un mot pour conclure, hein, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Mais j'allais conclure. En fait, pour ce groupe SARS-CoV-2, l'origine par rapport au réservoir, c'est plutôt le sud de la Chine, donc la province du Yunnan, voire l'Asie du Sud-Est, les pays d'Asie du Sud-Est. Ça, il y a quand même pas mal d'arguments pour penser cela. Donc, du coup, et là, je finis juste là-dessus, par rapport au scénario, à l'hypothèse qui implique un passage, une transmission directe de la chauve-souris à l'homme, ça la rend beaucoup moins probable, cette hypothèse. À partir du moment où on voit qu'il y a une structuration géographique qui nous oriente plutôt vers le Yunnan et l'Asie du Sud-Est, voyez bien qu'on est très loin de Wuhan. Donc, c'est là où cette hypothèse, malheureusement, me semble peu probable. J'ai une autre hypothèse à proposer, parce que s'il faut proposer des hypothèses... Vraiment en un mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, et j'aimerais juste entendre Étienne Simon-Laurier en 2 secondes là-dessus. Par rapport à ça, il faut savoir que le génome identifié chez l'espèce Rhinolophus malayanus, c'est le RMYN02. L'échantillon qui a été séquencé a été collecté en octobre 2019. Hein, donc en fait, c'est très récent, mais très proche aussi de la date de l'épidémie. Or en fait, une autre hypothèse, ça serait tout simplement de considérer que les chercheurs eux-mêmes se sont contaminés. Ouais. Ça m'ennuie de terminer là-dessus, mais c'est vrai que c'est une option, c'est l'option de l'échappement du laboratoire qui reste malgré tout une option, sans pour autant verser dans la théorie du complot, ou en tout cas le fait que les collecteurs aient pu eux-mêmes s'infecter, mais ça donnera lieu, je l'espère et j'imagine, à une autre émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Étienne Simon-Laurier, merci Alexandre Assanin d'être venu nous parler de ces différents variants et de l'origine du virus. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Alexandre Morales, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Michael Simon à la technique. Demain, eh bien, depuis le temps que nous aurions dû nous saisir de ce monument scientifique, eh bien, nous le faisons. Première émission donc d'une série consacrée à Albert Einstein, série que nous déroulerons jusqu'à la fin de la saison pour appréhender bien dans toute son ampleur le travail du maître, également dans toute sa complexité. Et bien demain, nous commençons par presque le début, ou en tout cas par le premier pavé, la relativité restreinte d'Albert Einstein. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.